Chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant son propre Fils, qui est venu dans une condition semblable à la condition pécheresse de l'homme, pour enlever le péché. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon la nature humaine, mais selon l'Esprit Saint. Car ceux qui vivent selon la nature humaine se préoccupe de ce que cette nature demande. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent de ce que l'Esprit Saint demande. Se préoccuper de ce que la nature humaine demande mène à la mort. Mais se préoccuper de ce que l'Esprit Saint demande mène à la vie et à la paix. Car ceux qui ont des préoccupations humaines sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur nature humaine ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la nature humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, alors, bien que votre corps soit voué à la mort à cause du péché, en vous l'Esprit Saint est vie, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers notre nature humaine, pour vivre selon ce qu'elle demande. Car si vous vivez selon votre nature humaine, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions de votre être naturel, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'Esprit Saint que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse à nouveau de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Mon Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc, nous aurons aussi part à l'héritage que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Le monde entier attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Car le monde est tombé sous le pouvoir de ce qui ne mène à rien, non parce qu'il l'a voulu lui-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. C'est que le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage, et qu'il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, le monde entier gémit et souffre, comme souffre une femme qui accouche. Mais pas seulement le monde. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme la première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses fils et délivre entièrement notre corps. Car nous avons été sauvés. Mais c'est encore en espérance. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu'on ne peut exprimer par des paroles. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit Saint prie pour ceux qui appartiennent à Dieu comme Dieu le désire. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a même pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La souffrance le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, la pauvreté, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.